Pendant combien de temps devons-nous attendre après le Saint-Esprit? Bonne nouvelle! Le Saint-Esprit nous donne un service instantané. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Si on vous demandait de décrire Dieu le Père, vous énuméreriez probablement ses caractéristiques divines, amour, justice, sainteté, omnipotence, et ainsi de suite. Si votre tâche était de décrire Jésus-Christ, vous mentionneriez qu'il est le Rédempteur, le Sauveur, le Seigneur et le Messie. Mais que répondriez-vous si on vous demandait de décrire le Saint-Esprit? Son rôle est peut-être un peu moins clair. Aujourd'hui, Charles Stanley dissipera la confusion entourant la troisième personne de la Trinité, ce qui nous permettra de mener une vie chrétienne plus productive en apprenant à dépendre de sa puissance. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Entre autres, un don de Dieu. Et en quoi consiste une vie remplie de l'Esprit Saint? Écoutez pour le savoir. Voici Charles Stanley. La Bible affirme que nous devons être remplis de l'Esprit. Or, si vous demandiez à un groupe de chrétiens ce que cela signifie pour eux, vous obtiendriez probablement autant de réponses que de personnes pour répondre. Or, la question est donc de savoir ce que voulait dire l'apôtre Paul quand, dans son épître, il nous exhortait à être remplis de l'Esprit de Dieu. Le passage classique pour tenter d'expliquer cette expression est évidemment le passage décrivant les activités qui se sont déroulées pendant la Pentecôte. Il y a également la description que Jésus nous donne du Saint-Esprit qui allait envoyer. Enfin, nous pourrions réfléchir aux expériences vécues autour de nous aujourd'hui par les gens qui disent être remplis de l'Esprit ou qui marchent dans l'Esprit. Or, commençons par ouvrir notre Bible au 5e chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens, versets 11 à 21. Jésus nous a commandé d'être remplis du Saint-Esprit. « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Paul parle ici du monde païen. « Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je me demande combien d'entre nous seraient prêts à admettre qu'après leur conversion, ils ont commencé leur marche avec Jésus-Christ et que, pendant un certain temps, tout semblait très bien aller. Ils allaient fidèlement à l'Église, ils lisaient leur Bible, ils passaient de bons moments dans la prière. Peut-être même trouvaient-ils des occasions de témoigner de leur foi et possiblement de s'impliquer dans l'œuvre de l'Église. Puis, en peu de temps, ils se sont un peu découragés au sujet de leur vie chrétienne et de leur croissance en Jésus-Christ, car ils pensaient, si le fait de devenir un chrétien est censé être une vie de joie, de paix et de bonheur, aussi bien que des preuves, pourquoi donc subis-je continuellement des défaites au cours de ma marche chrétienne? Beaucoup de personnes subissent des défaites dans leur vie chrétienne et en ignorent la cause. Selon moi, une des raisons principales est qu'on ne leur a pas bien enseigné. Certaines personnes savent qu'elles ont été sauvées par la grâce de Dieu et elles n'entretiennent aucun doute sur le sujet. Or, après cela, elles se sont laissées dire qu'elles avaient le pouvoir ou l'habileté de vivre chrétiennement. Et, naturellement, elles se sont mises à l'ouvrage en utilisant leurs propres forces et ont essayé de vivre cette vie ainsi. Or, en réalité, cette vie chrétienne ne peut pas être vécue par ses propres forces, ses propres connaissances ou sa propre sagesse. Car Jésus-Christ n'a jamais envisagé ce genre de vie pour ses disciples. et ce n'est pas non plus l'intention de Dieu le Père pour la vie des croyants. Son intention pour nous était de nous faire porter beaucoup de fruits. Amour, joie, paix, bienveillance, bonté et tous ces attributs qui appartiennent aux croyants. Une vie remplie du Saint-Esprit est un don de Dieu. C'est ce que la Bible affirme dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4. Il s'agit bien sûr de l'épisode où Jésus parle avec la Samaritaine près du puits. Il lui demande à boire, car il sait bien comment elle va réagir. Il la prépare à recevoir quelque chose dont elle a vraiment besoin. Commençons donc notre lecture de Jean chapitre 4 au verset 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif, mais celui ou celle qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dans la langue grecque originale du Nouveau Testament, le mot « pégé » peut être traduit en français par « puits » ou « source ». Jésus dit à la Samaritaine qu'il veut placer un puits dans son cœur pour qu'elle n'ait pas à chercher ailleurs afin de satisfaire ses besoins. On se rappellera qu'il lui avait été dit d'aller chercher son mari et qu'elle avait répondu « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus avait alors répliqué qu'elle n'avait pas un mari, mais qu'elle en avait eu cinq. Nous avons donc l'exemple d'une personne sans but dans la vie, dont l'existence est vide de sens. Jésus l'a regardée droit dans les yeux et lui a dit, « Si tu connaissais celui qui te dit de lui donner à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Il lui disait que l'eau qu'il voulait lui donner serait un puits qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Tournons quelques pages jusqu'au chapitre 7, versets 37 à 39. Jésus apporte le même message avec un vocabulaire quelque peu différent. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit à la femme du puits au chapitre 4, « Il y aura en toi un puits. » Ici, il dit, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Que veut-il dire par là? Nous avons la réponse au verset suivant, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Évangile de Jean relate les efforts de Jésus pour préparer ses interlocuteurs à la venue prochaine du Saint-Esprit dans leur vie, le jour de la Pentecôte. Comme nous venons de le voir, il compare l'Esprit Saint à un fleuve d'eau vive. À cette époque, l'eau vive équivalait à de l'eau courante, et pouvoir disposer d'un système d'eau courante dans sa maison était alors considéré comme un signe de richesse extraordinaire. Au chapitre 4, Jésus dit à la femme près du puits, « Je placerai en toi un puits d'eau, jaillissant jusque dans la vie éternelle. » Et au chapitre 7, il s'écrit « Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. La vie jaillira de vous. » Jésus prépare ses disciples à un événement fantastique. Cette promesse a été accomplie à la Pentecôte, avec la puissante irruption du Saint-Esprit dans la vie des disciples. Rien ne serait plus comme avant pour eux, car à partir de ce moment, quelqu'un vivrait à l'intérieur d'eux. Et ce miracle se produit encore aujourd'hui dans la vie de chaque personne qui accepte personnellement Jésus-Christ comme son Sauveur. Il ne s'agit pas d'une force ou d'une puissance impersonnelle qui vient vivre en nous, mais une personne, le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le don de Dieu pour tous les croyants. Poursuivons notre lecture de l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Cet épisode décrit un discours de Jésus la veille de sa crucifixion. Il sait qu'il devra quitter bientôt les disciples, mais il précise qu'il ne les laissera pas seuls. Lisons les versets 16 à 18. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jésus prépare ici ses disciples à l'événement de la Pentecôte. Verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et un peu plus loin, au verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Nous avons donc ici devant nous la promesse d'un don. Cette promesse se trouve également dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24. La plénitude de l'Esprit de Dieu est un don promis par Dieu pour chaque croyant. Selon la Bible, Dieu a tenu cette promesse le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Il s'agissait du don de Dieu. Laissez-moi maintenant vous raconter ce qui se produit dans plusieurs églises quand on y aborde le sujet du Saint-Esprit. Ce que je m'apprête à vous dire concerne d'ailleurs ma propre expérience et fait référence à mes premiers pas de vie chrétienne. J'ai entendu parler du Saint-Esprit et j'ai commencé à comprendre certaines choses sur sa personne. Or, j'ai grandi dans une église où on devait attendre la venue du Saint-Esprit. Cette famille d'églises s'appuyait sur le passage des Écritures que nous avons lu et l'appliquait tel quel aujourd'hui. Vous étiez sauvés, et après avoir été sauvés, vous deviez attendre. Je me rappelle m'être demandé « Combien de temps faudra-t-il attendre ?» Pendant combien de temps nous fallait-il attendre la venue du Saint-Esprit dans notre vie ? Si vous vous posez encore la même question, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre attente est terminée, car ces jours d'attente ont pris fin à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte pour accomplir la promesse du don de Dieu pour tous les croyants, leur attente était terminée. Nous n'avons plus à attendre aujourd'hui pour le Saint-Esprit, car, voyez-vous, on ne peut pas retourner à la Pentecôte et dire « Cela fonctionne encore de cette manière aujourd'hui ». Cette époque où les disciples devaient attendre que l'Esprit de Dieu vienne habiter en eux est révolue. Aujourd'hui et pour toute l'éternité, le Saint-Esprit habite à l'intérieur de chaque croyant. Mais si tous les croyants peuvent profiter de la présence du Saint-Esprit qui habite en eux, nous pouvons cependant nous poser la question « Jusqu'à quel point habite-t-il en moi ? » Nous pouvons répondre à cette question par une autre. Quand Dieu nous donne quelque chose, fait-il habituellement les choses à moitié ? Non, jamais. Quand Dieu nous a donné son esprit, il nous a remplis de lui. En d'autres mots, vous n'allez pas recevoir plus du Saint-Esprit que ce que vous avez reçu au moment de votre conversion. Plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec ce point de vue. Elles diront « Vous avez complètement tort. Cela ne peut pas être vrai. Laissez-moi vous raconter l'expérience de mon propre cheminement. » Je serais ravi d'entendre le récit de votre vie, mais nous devons d'abord savoir ce que la Bible dit sur le sujet. Car le problème se situe là. Nous avons tous des expériences. Nous connaissons dans notre vie toutes sortes d'expériences. Et je ne remettrai jamais en question le fait qu'une personne ait vécu une expérience ou non. Or, la question est de savoir que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu affirme que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de tous les croyants. Et dans quelle mesure y habite-t-il ? Dans sa pleine mesure. Tout ce que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit, nous l'avons reçu le jour de notre conversion. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Selon toute évidence, si le Saint-Esprit habite en nous, nous lui appartenons. À la Pentecôte, la Bible affirme que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose pour lequel ils ont dû travailler. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, soudainement et sans avertissement. Ils ont entendu le bruit d'un vent fort et puissant, et nous, que devons-nous rechercher aujourd'hui ? Vous voyez, nous n'avons pas besoin d'entendre le son d'un vent fort et puissant pour être remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit pour être remplis du Saint-Esprit. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler selon la vérité de Dieu dans le langage des gens qui les écoutaient ce jour-là. C'est pourquoi 3000 personnes ont été sauvées. Les disciples parlaient dans la langue de personnes qui venaient des quatre coins du monde. Et lorsqu'elles recevaient la vérité en croyant en l'Évangile de Jésus-Christ qui leur était exposé, elles étaient sauvées par la grâce de Dieu et remplies de l'Esprit de Dieu au moment même. Toute personne sauvée se trouve illico remplie du Saint-Esprit. Elle reçoit sur le champ autant du Saint-Esprit qu'elle en recevra de toute sa vie. Elle ne pourra jamais en recevoir plus. Or, écoutez bien ce qui suit, car cela pourra faire toute la différence dans votre cheminement spirituel. Vous ne pouvez recevoir plus du Saint-Esprit que ce que vous avez reçu quand vous avez été sauvé. Par contre, le Saint-Esprit peut assurément recevoir beaucoup plus de vous. Et c'est là que réside souvent toute la confusion au sujet de la plénitude du Saint-Esprit. Qui possède qui? Aujourd'hui, les gens veulent prendre et prendre encore plus. Et par ricochet, ils veulent obtenir plus de Saint-Esprit. Mais que dit Dieu? Lui, il veut nous prendre, nous avoir au complet. Voilà le fond du problème. Nous sommes concernés par le fait de posséder le Saint-Esprit au maximum, mais pensons-nous à combien de nous le Saint-Esprit possède? Nous n'avons pas à nous soucier de combien de lui nous possédons. Cette question est réglée depuis longtemps. Nous avons tout de lui, tout ce dont nous aurons besoin. Mais l'important est de savoir jusqu'à quel point le Saint-Esprit me possède-t-il. Voilà en quoi consiste une vie remplie de l'Esprit de Dieu, et c'est sur cela que nous devons nous concentrer. Une vie remplie de l'Esprit ne consiste pas à obtenir plus de lui. Je ne peux pas en obtenir plus de Dieu que ce que j'ai déjà à ma disposition. La question est de savoir quelle partie de moi Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit possède-t-il? Voilà la question. Voilà où se situe le problème. Et voilà où beaucoup de gens tombent dans l'erreur. Trop de gens essaient d'avoir plus de l'Esprit Saint. Cependant, je le répète, là n'est pas la question. La question est de savoir si l'Esprit obtient tout de moi et de vous. Bien sûr, il nous est beaucoup plus facile de penser en termes d'un don spirituel spécifique ou d'une manifestation de ce don. Or, si nous nous mettons à rechercher ce don, à le réclamer, à prier pour lui et nous attendre à cela en criant à Dieu, « Donne-moi ce don » ou « Donne-moi cette manifestation », j'ai le regret de vous annoncer qu'on ne trouve rien de tel dans les Écritures. Suis-je en train de dire que les manifestations n'existent pas? Non. Suis-je en train de dire qu'il n'y a pas de don? Non plus, car tout cela fait partie intégrante du ministère du Saint-Esprit. Nous parlons ici de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous ne parlons pas d'un don que nous pouvons conjurer. Il n'est pas de notre ressort de réclamer, plaider, supplier, pleurer, mendier, jeûner ou faire toute autre chose nécessaire pour forcer le Saint-Esprit à nous donner ce que nous voulons. Je vous le répète, nous avons déjà tout ce que nous sommes appelés à obtenir. Et si cela est déprimant à entendre pour les personnes qui voulaient obtenir autre chose, je suis désolé. Je dois maintenant vous poser la question, avec tout l'amour que Dieu met dans mon cœur. Pourquoi Jésus n'est-il pas suffisant pour vous? Vous savez ce que Jésus a dit à propos du Saint-Esprit? Regardez l'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, rendra témoignage de moi. » Dans la Trinité, nous avons un Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. elles ont toutes trois des rôles différents à jouer. Pour le Saint-Esprit, il s'agit de manifester le Seigneur Jésus-Christ, de lui rendre témoignage, de l'exalter et de nous le montrer. Son œuvre consiste à nous faire comprendre la parole de Dieu, à nous guider dans la vie et à nous diriger vers le Christ. Il doit également nous remplir, nous oindre et nous donner une clarté de compréhension. C'est sa responsabilité de nous donner une illumination afin que nous puissions comprendre la vérité de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne sa puissance et il remplit une multitude d'autres fonctions dans notre vie. Or, nous devons nous rappeler que nous possédons déjà de lui tout ce que nous posséderons. La question est maintenant de savoir s'il possède tout de vous, car la partie de moi ou de vous que le Saint-Esprit possède déterminera si nous sommes remplis du Saint-Esprit ou non. Lisons à présent le passage sur la Pentecôte dans Actes chapitre 2, versets 4 jusqu'à 9. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Et tous les autres pays représentés par cette multitude venus célébrer la Pâque juive. » Allons maintenant un peu plus loin. Au chapitre 4, verset 31, nous y retrouvons les disciples rassemblés. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous pourrions continuer sur le même thème avec plusieurs autres passages du livre des Actes au chapitre 9, 13 et ainsi de suite. Voici le principe derrière tout cela. Nous pouvons étudier tous ces versets dans la version originale grecque et toutes les traductions arrivent au même résultat. Les protagonistes étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et quand la Bible parle de plénitude du Saint-Esprit, elle parle de contenu. En d'autres mots, les disciples sont remplis du Saint-Esprit parce qu'il descend sur eux. Ils n'ont pas eu besoin de prier pour qu'il vienne sur eux. Il est venu sur eux et il les a remplis. Et tout le long du livre des Actes, l'Esprit de Dieu travaille d'une façon très particulière. Le Saint-Esprit descend sur le croyant et le remplit. À chaque fois qu'une personne est sauvée, l'Esprit de Dieu descend sur elle et la remplit. Par remplir, je veux dire que cette personne récemment sauvée reçoit l'Esprit de Dieu et elle n'obtiendra pas plus de lui pendant le reste de sa vie. Or, quand nous arrivons à l'Épître aux Éphésiens, remarquez bien l'exhortation de l'apôtre Paul au chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Quand nous regardons ce verset dans la version originale grecque, nous y trouvons quelque chose d'intéressant. Dans tous les autres passages où il est question d'être rempli du Saint-Esprit ou de plénitude du Saint-Esprit, dans l'Évangile de Luc ou le livre des Actes, on obtient une traduction littérale d'être rempli avec le Saint-Esprit. Mais dans ce passage d'Éphésiens, nous rencontrons une préposition différente. Elle signifie en gros être rempli par le Saint-Esprit. Voici où se situe la différence. Quand « avec » est utilisé, nous avons l'idée d'un contenu, mais quand « par » est utilisé, nous avons l'idée d'un agent. Quand on utilise la préposition « avec », cela signifie que l'Esprit de Dieu vient sur nous. Toutefois, quand on utilise la proposition « par » qui introduit l'idée d'un agent, cela signifie que nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Dans ce passage d'Éphésiens, il nous est dit de ne pas nous enivrer de vin. En d'autres mots, nous ne devons pas nous laisser contrôler ou dominer par cette substance, car c'est de la débauche. Mais nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Quand nous parlons d'être remplis avec l'Esprit de Dieu, nous parlons de l'œuvre du Saint-Esprit au moment de notre conversion. Mais son action ne se limite pas à cela, car en fait, une vie remplie par l'Esprit est une vie vécue dans la soumission, dominée par le Saint-Esprit et sous son contrôle. Une vie remplie de l'Esprit est une vie dans laquelle l'Esprit de Dieu gère ses bénédictions en nous utilisant, car il nous contrôle. Je connais peu de chrétiens vraiment passionnés par ce sujet. Il semble que le fait d'être contrôlé et soumis à l'Esprit de Dieu n'intéresse guère. Les gens aiment beaucoup plus entendre parler des dons de l'Esprit et des manifestations de l'Esprit. Or, il est intéressant de remarquer que l'apôtre Paul nous parle d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Une personne dont la vie est remplie de l'Esprit sera notable, car l'Esprit de Dieu, qui habite en elle et la contrôle, lui donnera assurément des dons particuliers. Le Saint-Esprit est une personne et non pas une force. Il a donc tous les attributs d'une personne et d'un membre de la Trinité. Et, en tant que personne vivant en nous, il détermine quels dons nous avons et quelles en sont les manifestations. Une vie remplie de l'Esprit est donc une vie contrôlée par le Saint-Esprit et soumise à lui. Il ne s'agit pas de manifestation ou de don. Elle est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie de chaque croyant. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Comme Charles Stanley nous l'a enseigné dans l'émission d'aujourd'hui, une vie remplie de l'Esprit se caractérise par une dépendance totale du croyant envers le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une action qui nous est propre ou d'une expérience que nous vivons. Il s'agit d'une décision que nous devons prendre. Nous devons en effet choisir de nous soumettre à son contrôle. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, le Saint-Esprit habite en vous. Toutefois, la plupart des croyants éprouvent de la difficulté avec l'idée de se soumettre au Saint-Esprit et de vivre sous son contrôle. Or, Éphésiens 5, 17 nous montre la voie. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.